fire, burn in fire. Yeah, yeah, whoa, whoa, whoa. C'est la CIA. Du Caïd Ayanaï. Nous construisons le pont, celui qui nous mène tout droit à Sion. Ce pont, nos enfants, selon la loi de Dieu, traverseront pour rejoindre celle qui est promise. Oh, l'Ethiopia. Nous construisons le pont, celui qui nous mène tout droit à Sion. Ce pont, nos enfants, selon la loi de Dieu, traverseront pour rejoindre celle qui est promise. Oh, maman Africa. Gardons la fondation, celle sous laquelle tout homme était pour porter bon respect. 10 commandements seulement avec lesquels nous devons avancer. Inculquant droiture, justice et intégrité. Prenons cette direction, celle établie selon les temps transmis par le Tout-Puissant. Établie avant même la création de notre mère Adam. Celle qui nous mènera tout droit vers l'Africa. En cette destination, pas place pour le démon. Avec l'amour et la foi, non, non, non, ce chemin tu le perdras pas. La crainte de Jah, yeah, yeah. Et le commencement de la connaissance, sur construisons le pont, celui qui nous mène tout droit à Sion. Ce pont, nos enfants, selon la loi de Jah, traverseront pour rejoindre celle qui est promise. Oh, l'Ethiopia. Nous construisons le pont, celui qui nous mène tout droit à Sion. Ce pont, nos enfants, selon la loi de Dieu, traverseront pour rejoindre celle qui est promise. Oh, maman Africa. Mais sache que dans cette vie, non, rien n'est acquis. C'est par la sueur de ton front qu'un travail aboutit. Une mine superflue fait place à l'essentiel. Vivre le naturel, t'appelles au spirituel, yeah, yeah. Non, non. Oh non, ghetto, Yutsutu, non, ne perds pas courage. Chaque épreuve, tous les jours, sont là pour te renforcer. Alors tire-en un message. Épreuve de discernement, évite les pièges des hommes influents. La vérité est en toi. Et tout autour de toi, nous construisons le pont, celui qui nous mène tout droit à Sion. Ce pont, nos enfants, selon la loi de Dieu, traverseront pour rejoindre celle qui est promise. Oh, Ethiopia. Nous construisons le pont, celui qui nous mène tout droit à Sion. Ce pont, nos enfants, traverseront pour rejoindre celle qui est promise. Oh, maman Africa. Jah. Rastafari.